La remise des titres académiques et universitaires d'État à des intellectuels a eu lieu le 5 octobre au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. On a donné lecture de la décision du Comité national de collation des titres académiques et universitaires et remis le titre d'académicien par correspondance à Park Hak-chol, doyen de l'université Kim Il-sung, et à 7 personnes, le titre de professeur à 19 personnes, le titre de docteur à Yeom Dae-sun, titulaire de chaire de l'université de technologie Kim Tsek, et à Kim Soo-chan, chef de bureau de l'Académie nationale des sciences, le titre de professeur adjoint à 126 personnes et le titre de maître à 807 personnes.